Marcel Proust, Les plaisirs et les jours. La mort de Balthasar Silvande, vicomte de Sylvanie. Chapitre 3. Sa jeunesse lui fait du bruit, il n'entend pas. Madame de Sévigné. Quand Alexis, le jour de ses 14 ans, alla voir son oncle Balthasar, il ne sentit pas se renouveler comme il s'y était attendu les violentes émotions de l'année précédente. Les courses incessantes sur le cheval que son oncle lui avait donné, en développant ses forces, avaient lassé son énervement et avivé en lui ce sentiment continu de la bonne santé, qui s'ajoute alors à la jeunesse, comme la conscience obscure de la profondeur, de ses ressources et de la puissance de son allégresse. À sentir sous la brise éveillée par son galop, sa poitrine gonflée comme une voile, son corps brûlant comme un feu l'hiver, et son front aussi frais que les feuillages fugitifs qui le saignaient au passage, à raidir en rentrant son corps sous l'eau froide, ou à le délasser longuement pendant les digestions savoureuses, il exaltait en lui ces puissances de la vie qui, après avoir été l'orgueil tumultueux de Balthasar, s'était à jamais retiré de lui pour aller réjouir des âmes plus jeunes qu'un jour pourtant elles déserteraient aussi. Rien en Alexis ne pouvait plus défaillir de la faiblesse de son oncle. Mourir à sa fin prochaine. Le bourdonnement joyeux de son sang dans ses veines et de ses désirs dans sa tête l'empêchaient d'entendre les plaintes exténuées du malade. Alexis était entré dans cette période ardente où le corps travaille si robustement à élever, s'épaler entre lui et l'âme qu'elle semble bientôt avoir disparu, jusqu'au jour où la maladie ou le chagrin ont lentement miné la douloureuse fissure au bout de laquelle elle réapparaît. Il s'était habitué à la maladie mortelle de son oncle, comme à tout ce qui dure autour de nous, et bien qu'il vécût encore, parce qu'il avait fait pleurer une fois ce que nous font pleurer les morts, il avait agi avec lui comme avec un mort, il avait commencé à oublier. Quand son oncle lui dit ce jour-là, « Mon petit Alexis, je te donne la voiture en même temps que le second cheval. » Il avait compris que son oncle pensait, « Parce que sans cela, tu risquerais de ne jamais avoir la voiture. » Et il savait que c'était une pensée extrêmement triste. Mais il ne la sentait pas comme telle, parce qu'actuellement, il n'y avait plus de place en lui pour la tristesse profonde. Quelques jours après, il fut frappé dans une lecture par le portrait d'un scélérat que les plus touchantes tendresses d'un mourant qu'il adorait n'avaient pas ému. Le soir venu, la crainte d'être le scélérat dans lequel il avait cru se reconnaître l'empêcha de dormir. Mais le lendemain, il fit une si belle promenade à cheval, travailla si bien, se sentit d'ailleurs tant de tendresse pour ses parents vivants, qu'il recommença à jouir sans scrupule et à dormir sans remords. Cependant, le vicomte de Sylvanie, qui commençait à ne plus pouvoir marcher, ne sortait plus guère du château. Ses amis et ses parents passaient toute la journée avec lui, et il pouvait avouer la folie la plus blâmable, la dépense la plus absurde, faire montre du paradoxe ou laisser entrevoir le défaut le plus choquant, sans que ses parents lui fissent des reproches, que ses amis se permissent une plaisanterie ou une contradiction. Il semblait que tacitement, on lui eût ôté la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Il semblait surtout qu'on voulût l'empêcher d'entendre, à force de les ouater de douceur, sinon de les vaincre par des caresses, les derniers grincements de son corps qui quittait la vie. Il passait de longues et charmantes heures couché en tête à tête avec soi-même, le seul convive qu'il eût négligé d'inviter à souper pendant sa vie. Il éprouvait à parer son corps dolent, à accouder sa résignation à la fenêtre en regardant la mer, une joie mélancolique. Il environnait des images de ce monde dont il était encore tout plein, mais que l'éloignement, en l'en détachant déjà, lui rendait vague et belle la scène de sa mort, depuis longtemps préméditée, mais sans cesse retouchée, ainsi qu'une œuvre d'art avec une tristesse ardente. Déjà s'esquissaient dans son imagination ses adieux à la duchesse Oliviane, sa grande amie platonique, sur le salon de laquelle il régnait, malgré que tous les plus grands seigneurs, les plus glorieux artistes et les plus gens d'esprit d'Europe y fussent réunis. Il lui semblait déjà lire le récit de leur dernier entretien. Le soleil était couché, et la mer qu'on apercevait à travers les pommiers était mauve, léger comme de claires couronnes flétries, et persistant comme des regrets, de petits nuages bleus et roses flottaient à l'horizon. Une file mélancolique de peupliers plongée dans l'ombre, la tête résignée dans un rose d'église, les derniers rayons, sans toucher leur tronc, teignaient leurs branches, accrochant à ces balustrades d'ombre des guirlandes de lumière. La brise mêlait les trois odeurs de la mer, des feuilles humides et du lait. Jamais la campagne de Sylvanie n'avait adouci de plus de volupté la mélancolie du soir. « Je vous ai beaucoup aimé, mais je vous ai peu donné, mon pauvre ami, lui dit-elle. « Que dites-vous, Oliviane? Comment vous m'avez peu donné? Vous m'avez d'autant plus donné que je vous demandais moins, et bien plus en vérité que si les sens avaient eu quelque part dans notre tendresse. Surnaturelle comme une madone, douce comme une nourrice, je vous ai adorée, et vous m'avez bercée. Je vous aimais d'une affection dont aucune espérance de plaisir charnel ne venait concerter la sagacité sensible. Ne m'apportiez-vous pas en échange une amitié incomparable, un thé exquis, une conversation naturellement ornée, et combien de touffes de roses fraîches! Vous seul avez su de vos mains maternelles et expressives rafraîchir mon front brûlant de fièvre, couler du miel entre mes lèvres flétries, mettre dans ma vie de nobles images. Cher ami, donnez-moi vos mains que je les baise. Seule l'indifférence de Pia, petite princesse syracusaine, qui l'aimait encore avec tous ses sens et avec son cœur, et qui s'était éprise pour Castruccio d'un amour invincible et furieux, le rappelait de temps en temps à une réalité plus cruelle, mais qu'il s'efforçait d'oublier. Jusqu'au dernier jour, il avait encore été quelquefois dans les fêtes, où, en se promenant à son bras, il croyait humilier son rival, mais là même, pendant qu'il marchait à côté d'elle, il sentait ses yeux profonds, distraits d'un autre amour, que seule sa pitié pour le malade lui faisait essayer de dissimuler. Et maintenant, cela même il ne le pouvait plus. L'incohérence des mouvements de ses jambes était devenue telle qu'il ne pouvait plus sortir. Mais elle venait souvent le voir, et comme si elle était entrée dans la grande conspiration de douceur des autres, elle lui parlait sans cesse avec une tendresse ingénieuse que ne démentait plus jamais, comme autrefois, le cri de son indifférence ou l'aveu de sa colère. Et plus que de toutes les autres, il sentait l'apaisement de cette douceur s'étendre sur lui et le ravir. Mais voici qu'un jour, comme il se levait de sa chaise pour aller à la table, son domestique étonné le vit marcher beaucoup mieux. Il fit demander le médecin qui attendit pour se prononcer. Le lendemain, il marchait bien. Au bout de 8 jours, il lui permit de sortir. Ses parents et ses amis conçurent alors un immense espoir. Le médecin crut que peut-être une simple maladie nerveuse, guérissable, avait affecté d'abord les symptômes de la paralysie générale, qui maintenant en effet commençait à disparaître. Il présenta ses doutes à Baldassare comme une certitude et lui dit « Vous êtes sauvé ». Le condamné à mort laissa paraître une joie émue en apprenant sa grâce. Mais au bout de quelque temps, le mieux s'étant accentué, une inquiétude aiguë commença à percer sous sa joie, qu'avait déjà affaiblie une si courte habitude. À l'abri des intempéries de la vie, dans cette propice atmosphère de douceur ambiante, de calme forcé et de libre méditation, avait obscurément commencé de germer en lui le désir de la mort. Il était loin de s'en douter encore et sentit seulement un vague effroi à la pensée de recommencer à vivre, à essuyer les coups dont il avait perdu l'habitude, et de perdre les caresses dont on l'avait entouré. Il sentit aussi confusément qu'il serait mal de s'oublier dans le plaisir. ou dans l'action. Maintenant qu'il avait fait connaissance avec lui-même, avec le fraternel étranger qui, tandis qu'il regardait les barques sillonner la mer, avait conversé avec lui pendant des heures, et si loin, et si près, en lui-même. Comme si maintenant il sentait un nouvel amour natal encore inconnu s'éveiller en lui, ainsi qu'en un jeune homme qui aurait été trompé sur le lieu de sa première patrie, il éprouvait la nostalgie de la mort, où c'était d'abord comme un éternel exil qu'il s'était senti partir. Il émit une idée, et Jean Galéas, qui le savait guéri, le contredit violemment et le plaisanta. Sa belle-sœur, qui depuis 2 mois venait le matin et le soir, resta 2 jours sans venir le voir. C'en était trop. Il y avait trop longtemps qu'il s'était déshabitué du bas de la vie. Il ne voulait plus le reprendre. C'est qu'elle ne l'avait pas ressaisi par ses charmes. Ses forces revinrent et avec elles tous ses désirs de vivre. Il sortit, recommença à vivre et mourut une deuxième fois lui-même. Au bout d'un mois, les symptômes de la paralysie générale reparurent. Peu à peu, comme autrefois, la marche lui devint difficile, impossible. Assez progressivement pour qu'il pût s'habituer à son retour vers la mort et avoir le temps de détourner la tête. La rechute n'eut même pas la vertu qu'avait eue la première attaque, vers la fin de laquelle il avait commencé à se détacher de la vie, non pour la voir encore dans sa réalité, mais pour la regarder comme un tableau. Maintenant, au contraire, il était de plus en plus vaniteux, irascible, brûlé du regret des plaisirs qu'il ne pouvait plus goûter. Sa belle-sœur, qu'il aimait tendrement, mettait seule un peu de douceur dans sa faim en venant plusieurs fois par jour avec Alexis. Une après-midi, qu'elle allait voir le vicomte presque au moment d'arriver chez lui, ses chevaux prirent peur. Elle fut projetée violemment à terre, foulée par un cavalier qui passait au galop, et emportée chez Baldassare sans connaissance, le crâne ouvert. Le cocher, qui n'avait pas été blessé, vint tout de suite annoncer l'accident au vicomte, dont la figure jaunit. Ses dents s'étaient serrées, ses yeux luisaient, débordant de l'orbite. Et dans un accès de colère terrible, il invectiva longtemps le cocher. Mais il semblait que les éclats de sa violence essayaient de dissimuler un appel douloureux qui, dans leur intervalle, se laissait doucement entendre. On eût dit qu'un malade se plaignait à côté du vicomte furieux. Bientôt cette plainte faible d'abord étouffa les cris de sa colère, et il tomba en sanglotant sur une chaise. Puis il voulut se faire laver la figure pour que sa belle-sœur ne fût pas inquiétée par les traces de son chagrin. Le domestique secoua tristement la tête. La malade n'avait pas repris connaissance. Le vicomte passa 2 jours et 2 nuits désespéré auprès de sa belle-sœur. À chaque instant, elle pouvait mourir. La seconde nuit, on tenta une opération hasardeuse. Le matin du 3e jour, la fièvre était tombée, et la malade regardait en souriant Baldassare, qui, ne pouvant plus contenir ses larmes, pleurait de joie sans s'arrêter. Quand la mort était venue à lui, peu à peu, il n'avait pas voulu la voir. Maintenant, il s'était trouvé subitement en sa présence. Elle l'avait épouvanté en menaçant ce qu'il avait de plus cher. Il l'avait supplié, il l'avait fléchi. Il se sentait fort et libre, fier de sentir que sa propre vie ne lui était pas précieuse autant que celle de sa belle-sœur, et qu'il éprouvait autant de mépris pour elle que l'autre lui avait inspiré de pitié. C'était la mort maintenant qu'il regardait en face, et non les scènes qui entoureraient sa mort. Il voulait rester tel jusqu'à la fin, ne plus être repris par le mensonge qui, en voulant lui faire une belle et célèbre agonie, aurait mis le comble à ses profanations en souillant les mystères de sa mort, comme il lui avait dérobé les mystères de sa vie.